ses yeux envieux avaient le regard mauvais. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner où lui se lavait le secret. Et c'est pas normal, ses cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise. Dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Je n'arrive plus à rien voir. Tu n'es pas responsable de la haine d'un animal sauvage. Tout le monde doit savoir. Tu n'es pas la coupable mais la victime. Toi qui n'as rien demandé. Toi qui as tout supporté. Le silence devient un fardeau. Laisse ton corps parler avec ses mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas, Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas, Amina. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer. Je suis un.